parce qu'elle soit plus qu'un trou de blanche qui se tord en hurlant, enculé sur une saillère. Je vais livrer ma femme au picot. Ils passeront tous sur à l'œil de roger les Pakistanais. Et quand elle sera bien défoncée, le cul en charpie par 50 bicots, je la revendrai aux négros. Et ils l'empaleront sur leur saguet. Tout ce qu'il reste de la salle blanche, la putain qui m'a fait demander, la putain qui savait mon secret. Putain, mais même les flics, c'est des négros!